La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour cher public et bienvenue à une toute nouvelle émission de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de CFOU 89.1 FM qui n'approuve pas les images de chars comme photo de profil sur les réseaux sociaux. Vous êtes en compagnie de moi-même, le très enrhumé Sébastien Gertin et de Lucas Hubert. Allô, moi mon nez va bien. Chanceux toi. Je pense que c'est toi qui me l'as donné en plus mon rhume. Oh, on n'a pas échangé tant de fluide corporel que ça. Ouais, mais tu sais que... En tout cas, toute ta semaine à part de ça? Oh, ma semaine, moi, ça l'a bien été. Pour les gens qui me suivent sur Facebook, j'ai partagé une photo qui a été prise. Mais merci beaucoup, Jessica, pour la photo. Une photo de moi qui animait l'émission la semaine passée en robe de chambre. Cette photo-là a eu vraiment beaucoup de likes. En fait, cette photo-là a presque eu autant de likes que notre page, la page de l'émission. Donc, je vous invite. Vous pouvez liker d'ailleurs. Oui, la sortie de secours est à votre gauche. Fait que j'ai décidé que, bon, probablement que mon corps attire plus les gens que notre émission. Fait que présentement, en onde, on diffuse aussi une photo de moi en petite tenue. Fait que toutes les gens qui nous écoutent par une radio satellite, présentement, si vous regardez votre écran, vous avez une photo de moi en petite tenue qui s'affiche. Donc, je fais ça pour les biens des codes d'écoute. Pour ceux et celles qui aiment beaucoup les hommes poilus. Oui, c'est effectivement moi. Sinon, ma semaine, c'est encore l'actualité. Le gouvernement Trudeau a annoncé que les prochaines éditions des billets de banque auraient des femmes dessus, ce qui est une très bonne chose. Mais j'ai découvert justement à propos de cette nouvelle-là que le site de la CBC, c'est Radio-Canada en anglais en fait, ont une section de fausses nouvelles. Je ne savais pas ça s'appelle Punchline. Puis en fait, une fausse nouvelle vraiment, qui m'a fait vraiment beaucoup rire en disant que pour être à l'image de l'iniquité salariale dans le pays, les nouveaux billets de 100$ avec des femmes dessus vont valoir 73$. Ce qui est quand même très drôle parce que, d'ailleurs, ça, on en avait parlé, je pense, à l'émission il y a quelques semaines. Les femmes gagnent en moyenne à peu près le trois quarts du salaire des hommes qui font le même poste. Là, exact. Ben, c'est le 73, c'est le vrai chiffre. En fait. Bon. Donc, ça m'a bien fait rire. Cette semaine, j'ai lu beaucoup de sociologie. Ouais. De la sociologie. Oh, oui, de l'Amazon un peu. Il y a encore du monde qui font ça de la sociologie en 2016. Ouais. Hein? Pareil. Ah ben. Donc, j'ai été sur le prestigieux site internet Pornhub. Où est-ce que... Pornhub, oui. Pornhub, oui, c'est pour ceux qui... pour les connaisseurs. Ou ceux qui parlent l'anglais. Ceux qui parlent l'anglais, oui, effectivement. Bon, eux autres, ils ont une section statistique sur leur site Internet qui est vraiment très intéressante. En fait, c'est qu'ils font des analyses des trucs qui se passent sur le site Internet et ils ont publié cette semaine c'est quoi les termes les plus recherchés au Canada. Sur leur site Internet. Par province, je crois. Ils ont fait par province. Mais en plus, c'est que j'ai été sur le site. Les gens me regardaient un peu bizarre à chasse-galerie pendant que je préparais cette chronique-là. Là. Mais tu sais, je leur disais, là, je suis sur Pornhub, mais c'est pas pour la pornographie, c'est pour les articles. Bon, les gens me croyaient moyen, là. Mais bon, je sais bien pas pourquoi. Hein? C'était pour la science que je faisais ça. Mais bon, plus sérieusement, leur session statistique est vraiment intéressante. En fait, c'est des vraies analyses. Ils ont des vraies données quantitatives et ils font des vraies analyses qualitatives de ce qui se passe sur le site Internet. Puis en plus, c'est bien écrit. C'est le fun à lire. C'est pas le Playboy qui ferait ça. Bon. Mais bref, pour le bien de la science, ils ont fait deux cartes, dans le fond. La première carte, c'est les termes les plus recherchés dans l'absolu au Canada. C'est par province. En fait, au Canada au complet, le terme le plus recherché dans l'absolu est lesbienne, évidemment, en anglais. On est ouvert sur les LGBT au Canada. Oui. Sauf au Yukon, où est-ce que c'est cartoon qui est le terme le plus recherché? Donc, ça, c'est un peu étrange, par contre. Cartoon. Cartoon, ouais. C'est quoi du porn de cartoon? C'est Bugs Bunny? Oh non, mais ça fait... Je pense que c'est pas mal ça. Il y a le Nunavut, que, étrangement, le terme le plus recherché est Eskimo. Ce qui est vraiment étonnant quand tu dis que Eskimo, c'est un terme vraiment extrêmement péjoratif. Si je me souviens bien, ça veut dire suceur de sang, quelque chose comme ça. Eskimo, en fait, ça veut dire mangeur de poissons frites. C'est ça, mangeur de poissons frites. Avec à peu près ce niveau de langage-là, là. C'est vraiment... Normalement, c'est vu comme extrêmement raciste d'appeler un Inuit un Eskimo. Mais étrangement, au Nunavut, c'est le terme le plus recherché sur les sites de pornographie. Ça serait quand même intéressant d'avoir une question, une réponse érudite là-dessus de pourquoi... Et effectivement, j'imagine que c'est peut-être un type de porn. Je sais pas. Bon, sinon, à part ça, il y a le Québec qui, comme d'habitude, fait son village de réduit de Gaulois. Est-ce que tu sais c'est quoi, Sébastien, le terme le plus recherché sur Pornhub par les Québécois? Ben, moi, je le sais, parce que j'ai vu la même étude que toi, en fait. Bon, on se tous les deux sur les mêmes sites internet. Ouais, en fait, c'est parce que tu me l'as envoyé. Oh. Mais... Mais je vais te laisser le dire quand même. Là. C'est ta semaine après tout. Oui, merci. En fait, le terme le plus recherché au Québec sur Pornhub, c'est le mot Québec. Ouais. Ouais, parce que nous autres, on n'est pas du tout chauvin au Québec. C'est ça, effectivement. Par contre, à notre défense, il y a aussi, j'ai été lire les autres études pour les autres pays, aussi la France, que leur terme le plus recherché, c'est French. Mais remarquez qu'une des choses aussi, c'est qu'au Québec, puis ça, je ne l'invente pas, puis c'est pas par chauvinisme, puis c'est même pas par nationaliste, c'est quand même un peu reconnu un peu partout en Amérique du Nord que les plus belles femmes sont au Québec. C'est pas une blague, là. C'est vrai. Fait que, d'ailleurs, l'artiste qu'on va passer en chanson, tout de suite après que moi j'ai raconté ma semaine, ils ont une chanson là-dessus sur leur premier album, qui, particulièrement par rapport aux régions, d'ailleurs. Mais bref, on l'a pas mis parce que c'est un peu macho en même temps comme tune, là, mais bon. On va y revenir. De toute façon, après que je t'ai raconté ma semaine, est-ce que tout avait fini? Ou... Non. Je m'excuse, je vais prendre une minute ou deux. Bon, après ça, il y a les termes les plus recherchés relativement. C'est qu'on, ensuite, après les termes évidents, au Yukon, le mot le plus recherché, c'est tickling, des chatouilles. Ouais, d'accord. Donc, cartoon et tickling, c'est les deux termes les plus recherchés. Ils comprennent juste, peut-être juste pas à quoi que ça sert, Pornhub. Peut-être. Au territoire du Nord-Ouest, c'est le terme hentai. Ça, c'est du porn en dessin animé japonais. C'est des mangas pornographiques. Bon, on est encore Eskimo pour le Nunavut. En Colombie-Britannique, c'est asiatique. Ah. En Alberta, c'est cream pie. Non, tu me regardes d'un air confus. Ouais, non, okay. Je suis juste en train de me représenter ce que le... Génial. au Manitoba, c'est cartoon. En Saskatchewan, c'est « native », donc les autochtones. Ce qui est déjà un terme plus respectueux qu'esquimau. Oui. En Ontario, c'est « Indian ». Ça, c'est moins respectueux. C'est justement le terme moins respectueux. Il y a « lesbienne » à Terre-Neuve, « bondage », attaché pour l'île du Prince-Édouard, « face-sitting » pour la Nouvelle-Écosse et « smoking » pour le Nouveau-Brunswick. Bon, ouais. Donc, là, j'ai terminé ma semaine. On va aller vers la partie plus pertinente. Mais en fait, moi, ce que je voulais raconter, c'est que cette semaine, en fait, avec toi, Lucas, et avec nos copines, on les salue d'ailleurs, on est allé assister au tournage de La soirée est encore jeune à Montréal. Bon, ceux qui connaissent, c'est une émission, ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une émission à Radio-Canada qui fait, bon, OK, on s'est un peu inspiré d'eux autres dans la vie. Puis ça m'a fait réaliser plusieurs choses, en fait. Bon, premièrement, les Montréalais qui chialent sur les nids de poules dans le. Tu sais, je lis la presse dans la vie, puis il y a comme souvent des gros articles que c'est, ouais, mais c'est pas pertinent quand tu habites pas sur l'île de Montréal. Mais souvent, ça revient souvent, les nids de poules, c'est pas des jokes. C'est vrai qu'il y en a. Puis moi, je me disais, non, ça peut pas être pire qu'en région. Sérieusement, il y a des rues à Montréal sur lesquelles on est passé que je trouve qu'il y a des sentiers de terre battue dans mon village natal qui sont plus propres à la circulation automobile que ça. Oh. Bref, ça, c'était une affaire. Deuxièmement, Jean-Sébastien Girard est beaucoup plus sympathique en personne qu'à la radio. Je tiens à le dire. Il nous a fait un beau salut quand il est arrivé. On faisait la file dans la ruelle. Et aussi, j'ai réalisé qu'il y a une poursuite nous pend au nez. Parce qu'on passe notre temps à l'émission depuis qu'on a commencé en janvier à utiliser des expressions consacrées par les gars de la soirée est encore jeune. Des choses comme un ami de l'émission. Ça va trop loin. Monsieur ou madame, quelque chose pour comme être un peu condescendant. Et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, pour financer nos frais d'avocat, vu que les cotisations étudiantes, ça paye pas fort pour ça. Puis d'ailleurs, en plus, on est obligé de se payer des avocats qui coûtent très cher parce que l'université, présentement, ils ont tellement eu de poursuites l'année passée qu'il n'y a plus aucun cabinet d'avocats qui n'est pas en conflit d'intérêt avec l'université présentement. Je me suis dit, on va faire un pot à change dans lequel on va à chaque fois qu'on va utiliser une expression qui se trouve sur un macaron en vente à la mercerie Roger, par exemple, c'est-à-dire une expression très utilisée par les gars de la soirée est encore jeune, mais on va mettre un petit 2 dedans. Par exemple, si j'avais appelé ça, mettons, si j'avais dit ça, c'est un nouveau segment qu'on va appeler « En route vers notre première poursuite en propriété intellectuelle », ben j'aurais mis un petit 2 dans le pot. D'accord. C'est correct. À cause de Mathieu Plante, la semaine passée, j'ai recommencé à écouter les John Oliver. Fait que je volerai les expressions de John Oliver à la place. C'est correct. Lui il n'y a aucune chance de tomber sur nous autres. Fait que c'est correct. Bon. Donc, c'est ça. Sinon, pour la semaine, ben, t'as encore fait une belle revue de l'actualité. Puis là, ben, honnêtement, j'étais encore un peu en train de me remettre le malaise du fait d'avoir parlé de porn en radio que mes parents écoutent religieusement. Bon, ben, d'ailleurs, je peux en remettre une deuxième couche si tu veux. Hein. J'ai aussi c'est les termes les plus recherchés aux États-Unis. OK, ah ouais. Je vais te mettre la switch à on. OK, là. Rapidement. Rapidement. Oh, je pense que je vais mettre un 2, moi, vraiment. les termes les plus utilisés, les plus recherchés aux États-Unis après lesbienne, c'est stepmother. Stepsister et MILF. OK, ça c'est peut-être l'influence de Donald Trump, ça, en fait. Je sais pas, mais c'est très oedipien, la pornographie aux États-Unis. Familial, ouais. Ouais, c'est familial, du porn familial. Ben, on pourrait dire, en fait, si tu veux qu'on tombe un peu dans la psychanalyse, qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais bref, c'est pas nécessairement que c'est oedipien, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose de phallique derrière ça. D'accord. De ne pas respecter les interdits. Bref. On s'en ira en chanson? Je pense qu'on est dû pour aller en chanson. Hein. Oui. plus que dû. Donc, on va aller avec Rouge Pompier et leur chanson « Paquet de choses ». On est de retour à la sortie de Secours est à votre gauche. Excusez, ça fait le micro n'a pas réembarqué quand je m'attendais. Sortie de Secours est à votre gauche, Sébastien Gertin, Lucas Hubert. Bon, on a retrouvé notre place. C'était Rouge Pompier avec la chanson « Paquet de choses » qui parle du fait qu'eux autres ont décidé de faire de la musique puis pas des choses productives pour la société. Retenons ça en tête, ça va venir intéressant plus tard. Donc, on serait rendu à notre champion de la semaine. You are the best, but you say you don't. Alors, le champion de la semaine, pour ceux qui nous écoutent depuis nos débuts, pour qui ne nous écoute pas depuis nos débuts, en fait, j'aimerais dire, le champion de la semaine, c'est la personne qui s'est démarquée dans l'actualité cette semaine par son grand jugement et ses prises de position intelligentes et brillantes, pleines d'ironie. Donc, Lucas, c'est qui notre champion de la semaine? Ben, c'est François Hollande. Président de la France. Oui, d'ailleurs, je veux féliciter la France parce qu'ils ont réussi. On avait eu comme champion de la semaine l'Assemblée nationale française il y a quelques semaines parce qu'il était absent lors du vote. Il était majoritairement absent lors du vote pour prolonger l'état d'urgence. Donc, spécifions-le tout de suite parce que ça va être pertinent pour comprendre pourquoi François Hollande est notre champion de la semaine. Mais c'est que la France se proclame le pays des droits de l'homme. Donc, c'était un peu pour ça qu'on les avait, parce que l'état d'urgence, en fait, c'est qu'on abolit les droits de l'homme pour un certain temps. Là. Effectivement. Bref. Donc, ce qui est arrivé cette semaine, c'est que, François Hollande a donné la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction en France, au prince héritier de l'Arabie saoudite. Bon, bref, le pays qui a suspendu sa démocratie pour combattre l'intégrisme islamique a donné sa plus haute distinction à un dictateur intégriste islamique qui applique la charia dans son pays. Déjà là, c'est assez ironique. On pourrait dire ça autrement aussi. On pourrait dire que le pays des droits de l'homme a félicité un des endroits où les droits de l'homme sont le plus bafoués au monde. Ça aussi, c'est une formulation assez ironique. Mais bon. En fait, l'événement est d'une magnifique ironie. Mais je suis curieux, pourquoi... c'est quoi la bulle qui a pété dans la tête de M. Hollande pour décerner ça? Le contexte, c'est que, la visite du prince était prévue depuis un bon bout de temps. C'était dans l'agenda officiel de l'Élysée, comme on dit en France. Mais qui est l'équivalent du Parlement français. Exact. Ce qui est arrivé, c'est que la visite était officielle, tout ça c'était prévu. Puis, ça n'avait pas été annoncé du tout que la Légion d'honneur allait être donnée. Puis, les photos officielles qui ont circulé, c'était juste comme la rencontre, les deux hommes qui se serrent la main, tout ça. Bon, c'était bien ça. Sauf que, après ça, le prince est retourné en Arabie saoudite et les médias saoudiens ont commencé à publier des photos de la Légion d'honneur puis à dire « Ah, mon Dieu, on a eu la plus haute distinction en France, tout ça. » Fait que les médias français ont eu connaissance de ça en lisant les médias saoudiens parce que effectivement l'exécutif français a essayé de camoufler la chose, ce qui est vraiment magnifique. Là, est-ce que ça, c'est un commentaire sur la capacité de l'État français à camoufler des choses à ses citoyens ou sur l'incapacité des médias français à faire leur job? Non, mais je ne répondrai pas à cette question-là. Mais ils sont défendus quand même à l'Élysée. Ils sont défendus. Ils ont dit que, c'est une pratique protocolaire de remettre la Légion aux dirigeants des pays avec qui la France fait affaire. François Hollande s'est défendu aussi en disant que quand lui était allé en visite en Arabie saoudite, il avait reçu aussi la plus haute distinction du pays. Donc, c'est un peu gênant de ne pas retourner l'appareil. On pourrait aussi se demander qu'est-ce que François Hollande foutait en Arabie saoudite. Mais ça, c'est une autre question. On pourrait, en fait, même si on remonte un petit peu dans ce que tu disais, on pourrait se demander qu'est-ce que la France fait affaire avec l'Arabie saoudite. J'ai la réponse ici. En fait, c'est de la vente d'armes. Ce qu'on peut conclure de ça, c'est que c'est facile d'oublier des beaux principes quand que c'est le temps de vendre des armes à des dictatures totalitaires. Justin Trudeau. Ouais, Stéphane Dion. Ouais. C'est ça. Hein, parce qu'on s'entend, nous autres, on rit un peu des Français présentement, mais le Canada fait pareil présentement, hein, ce qui est quand même... Là encore, une belle grosse aberration dégueulasse. Ben, effectivement. Donc, c'était tout pour mon champion de la semaine. C'était tout. Du Canada, on a fini là-dessus. Tu voulais nous parler un peu des politiques d'immigration qui ont changé? Exactement. Mais en fait, c'est au provincial que ça a changé. Ah. Parce que c'est ça, on l'a annoncé. Parce que là, j'ai pas encore fait de petit bumper pour les segments. Mais là, je fais un billet d'humeur. C'est comme pas une éditoriale. En tout cas, je vais parler de quelque chose que je trouve intéressant. C'est ça, dans le fond, l'immigration, d'ailleurs, c'est une compétence partagée, c'est-à-dire que le fédéral a son mot à dire et le provincial. Évidemment, la seule province qui se prévaut de ce droit-là, c'est le Québec. D'ailleurs, ça a été. Les mauvaises langues, il est un peu moins mauvaise d'ailleurs, diront que c'est devenu une compétence partagée parce que le fédéral voulait faire une concession tout en n'ayant pas l'air d'en faire une. Donc, à place de dire, le Québec, de par leur statut particulier, peuvent aussi leur mot à dire dans les immigrants qu'ils reçoivent. Ils ont juste dit, c'est une compétence partagée, dans le fond, faites ce que vous voulez. Donc, ça, c'était le background historique très, très large. Pourquoi j'en parle? Comme dans tous les domaines, on avait une politique de l'immigration, c'est-à-dire un espèce de recueil d'intentions qui disait, dans le fond, c'est un long texte qui disait un peu les grandes lignes de comment est-ce que l'immigration serait gérée au Québec. Puis notre dernière politique d'immigration datait de 1990, qui était d'ailleurs un texte très intéressant, mais qui nécessairement, en 25 ans, avait peut-être besoin de se faire remettre à jour. Donc, ça a été dévoilé lundi par la ministre Kathleen Vail. Vail ou Whale, je ne sais jamais comment est-ce qu'elle prononce, mais en tout cas, ministre de l'immigration et de 3-4 autres affaires. Donc, c'est ça, dévoilement lundi, ça s'appelle « Nous, les Québécois ». D'ailleurs, c'était drôle parce que c'est la veille du jour de la femme puis ils n'ont pas comme féminisé ou quoi que ce soit. Là, mais en tout cas, regarde, on va laisser passer. Là. Kathleen Veil, il me semble que c'était une des ministres justement qui s'était dit « Ah, oh, moi, je suis pas féministe, je suis plus égalitariste. » Il me semble qu'elle l'avait, on a moins parlé, là, mais bon, bref. Ça reste que, bon, souvent, ici, évidemment, souvent, on a un peu de la misère, on a une relation un petit peu difficile avec le Parti libéral du Québec. Mais je dois avouer que, de ce que j'en ai vu, puis là, honnêtement, j'ai pas encore lu le document au complet parce que c'est long, puis j'aurais juste pas eu le temps de le faire pour l'émission aujourd'hui, mais j'ai lu, en fait, il y a eu plusieurs publications de généralement les grandes lignes de ce qui en est dit. Donc, moi, je me suis surtout basé là-dessus. Généralement, il y a des très bonnes choses là-dedans. Premièrement, reconnaissance des compétences. Il y avait un exemple qui circulait cette semaine de deux réfugiés syriens qui sont médecins en Syrie, qui disent « ben nous autres, on aimerait ça », puis c'était vraiment ça leur message, c'était « nous autres, on aimerait ça contribuer à la société qui nous accueille ». Genre, personnellement, j'ai pas le goût de me retrouver chauffeur de taxi, tu sais, moi, je pourrais beaucoup plus contribuer comme ça, là, en pratiquant la médecine au Québec. Effectivement, puis la fonction publique syrienne a quand même une bonne réputation, contrairement à certains pays, donc ça serait légitime. Ben, contrairement à ce qui a été dit depuis la fameuse crise des réfugiés syriens, c'est que la Syrie, on a l'impression que c'est un pays... dans le désert avec des hommes en grande cape puis qui sont tous musulmans radicaux puis tout le kit, alors que c'est pas du tout le cas dans cette partie-là du monde. C'est peut-être un des pays qui c'est le plus occidentalisé. Je veux dire, la photo du fameux couple de médecins syriens, si c'était pas écrit en dessous que c'est des Syriens, tu t'en rendrais même pas compte. Je veux dire, même leur apparence physique, ils ont même pas une apparence d'étrange. De personnes venant du Moyen-Orient, là, comme on pourrait en penser dans des clichés, mettons. Donc, c'est ça, tu sais. Bref, c'était pour un peu parler de ça, mais ça, c'est déjà une bonne chose. On dit qu'on veut améliorer ça, parce que, bon, on a un paquet d'ingénieurs africains qui chauffent le taxi à Montréal présentement. On aimerait peut-être qu'ils fassent autre chose que ça. Puis eux autres aussi, probablement, qu'ils aimeraient mieux. Autre chose aussi, il va y avoir plus de ressources d'allouer pour la francisation, c'est-à-dire comme apprendre le français aux gens qui arrivent au Québec. Évidemment, il n'y a pas de chiffre, fait qu'on verra, mais c'est un énoncé d'intention. On a l'intention d'en remettre dedans, même s'ils donnent 50 piastres de plus, ben c'est toujours ça de gagner, même si, bon, ça, on s'entend. On va aussi, puis ça c'est un gros morceau, on va accélérer l'acquisition de la résidence permanente. Bon, présentement, c'est extrêmement long passer du fait d'être quelqu'un avec un visa à quelqu'un qui a une résidence ici, dans le fond, qui a le droit de s'établir ici, de travailler, puis ainsi de suite. C'est ça, c'est très difficile, particulièrement pour, dans le fond, les délais étaient très longs. On veut ramener ça à autour de 6 mois plutôt que présentement. Je pense que c'était de quoi comme 2 ans que ça prend, là, un truc comme ça. C'est quand même assez long. Tu as plusieurs renouvellements de visa, tu as beaucoup de frais reliés à ça, puis ainsi de suite. Fait qu'on veut accélérer ça. Puis, particulièrement dans le cas des étudiants internationaux, merci, depuis le temps que je le dis. Merci aussi. Ah oui, c'est vrai, ta copine, ouais. Ta copine est française. Et aussi dans le cas, puis ça, je suis très content parce que les étudiants internationaux, on en parle souvent, mais les travailleurs temporaires, tu sais, les Mexicains qui viennent cueillir les fraises en dessous du salaire minimum l'été, là, ben, eux autres aussi, peut-être qu'ils mériteraient peut-être, vu qu'ils viennent faire la job qu'on veut pas faire, mériteraient peut-être d'avoir accès à comme le reste, tu sais, d'avoir accès aux services sociaux, entre autres, puis éventuellement devenir citoyen. Puis bon, là, c'est sûr qu'il se trouve tout le temps du monde pour remettre ça en question, mais on a besoin d'immigration avec la courbe démographique qu'on a. Bon, fait que ça, c'était le bon stock. Le stock qui va peut-être accrocher un peu plus, il y a une nouvelle chose qui s'appelle le formulaire d'intention. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un nouveau formulaire que les gens qui demandent, qui font une demande d'immigration au Québec vont devoir remplir. Puis ça va déterminer quelle demande... Excusez-moi, comme j'ai dit, j'étais enrhumé. Quelle demande va être traitée en premier? Donc, présentement, de la façon que ça fonctionnait, c'est premier arrivé, premier servi. Ta demande est dans pile à la même place que, avant celle la personne qui fait sa demande demain, puis après celle qui a fait sa demande hier. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Puis là, c'est ça. Là, ça va être priorisé selon... Dans le fond, on va poser la question, qu'est-ce que vous avez à apporter au Québec? Puis là, les gens vont devoir comme... dire qu'est-ce qu'ils ont comme compétences. Il va y avoir un tri, c'est ça. C'est ça. Une immigration à plusieurs vitesses. Une immigration à plusieurs vitesses, oui, exactement. Mais c'est, en fait, c'est ça, c'est un bon parallèle. C'est un peu comme le triage à l'urgence. Ouais. Comme je n'ai déjà parlé un peu, mon sujet de maîtrise, c'est en plein sur ce genre de questions-là. C'est toutes les questions morales reliées à l'intégration des immigrants. Ça inclut ça, là, d'ailleurs. Ça tombe bien parce que je suis en train d'écrire mon chapitre là-dessus, d'ailleurs. Mais C'est à peu près ce genre de choses-là. Ça a été, d'ailleurs, il y a plusieurs auteurs qui ont tendance à dire ben oui, il faut faire un triage, mais il faut faire un triage de c'est qui a le plus besoin de venir dans ton pays. Effectivement. Donc, mettons quelqu'un qui aurait des études intéressantes, qui pourrait venir travailler ici, passerait avant quelqu'un qui n'a pas ces études-là, mais qui est menacé de mort dans son pays. Mettons. Mais okay. s'il est menacé de mort, il peut rentrer dans la quête. Il peut faire une demande de réfugié. Là, ça, c'est différent. C'est tout un autre. Parce que là, on parle de ce qu'on appelle, puis ça, c'est un terme que j'haïs, pareil comme quand on dit des étudiants étrangers. On parle des migrants économiques, c'est-à-dire des gens qui émigrent pour des raisons comme personnelles, mettons, qui changent de pays pour des raisons personnelles, soit pour poursuivre un emploi, pour se réunir avec, pour une réunion de famille, une réunion familiale, là, dans le fond, là. Ou peu importe autre raison, seulement ils veulent aller vivre ils ont envie de venir vivre au Québec puis de se taper nos hivers. Des gens masochistes, évidemment. Puis bon, donc c'est ça. Au Québec, ce qu'on a décidé de faire, au lieu de dire d'y aller comme ça, d'y aller avec c'est qui les. C'est qui aurait le plus besoin? Est-ce qu'on règle. Comment est-ce qu'on pourrait régler des injustices, mettons, avec ça? Dans le fond, il y a des pays qui tu sais, on s'entend, là. Les pays entre eux autres, il y a des grandes inégalités. Il y a des pays. Il y a ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, qui, je pense, c'est plus le vrai terme, là, mais bon, en tout cas, je connais plus le nouvel euphémisme à la mode, fait qu'on va le dire ça pareil. On les sortirait de la pauvreté en les acceptant ici, évidemment. Mais là, ça, c'est toute une autre affaire que c'est. Ça reste un peu superficiel par rapport à ce que je voulais en faire. C'est ça, on va plutôt, ce qui a été dit dans le document, c'est qu'on veut plutôt prioriser ceux qui fitent avec les demandes du marché. Donc, dans le fond, les gens avec des compétences qui sont en demande présentement. Puis c'est là que ça m'énerve. Parce que les demandes du marché sont changeantes, premièrement. Ce qui est une des choses, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une critique qui se fait quand même de toute la mentalité de dire que, mettons, la formation, il faut la coller aux demandes des entreprises puis tout. Oui, parce que les entreprises, ils ne demandent pas les mêmes affaires tout le temps. Fait qu'on serait, à se plier en quatre comme ça, bien, on n'est pas gagnant au long terme. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est encore une autre situation? Est-ce qu'on va tous se faire dicter nos affaires par les entreprises? On se rappelle les traités de libre-échange qui sont rendus qui peuvent nous traîner le gouvernement en justice s'ils n'aiment pas nos politiques environnementales. Ça m'énerve. Ça, j'ai un problème avec ça. Puis là, ils vont en plus nous dire qu'les immigrants, on devrait accepter en premier. De la misère avec ça. Puis, d'ailleurs, j'ai parlé de ce sujet-là à Assemblage requis mercredi. Puis j'avais utilisé l'exemple de l'ingénieur estonien. C'est quoi l'ingénieur estonien? C'est une affaire que j'ai sorti de ma. En fait, j'ai improvisé ça mercredi, mais je vais leur dire ici quand même rapidement. On pourrait imaginer, puis j'ai dit estonien, j'ai dit un nom de pays de l'Est à la botch, là, mais bon, on pourrait imaginer un quelconque pays d'Europe de l'Est qui a un niveau de vie adéquat, qu'on pourrait dire, mais qui, mettons que 90% de la population vit dans des milieux ruraux, pas très richement, mais bon, ils ont le minimum. Tu sais, ils vivent correct. Un de ces jeunes, moi je dis estonien parce que ça va plus vite, là, mettons, ce jeune estonien, lui, il avait des très bonnes notes à l'école, il est allé, il y a un système d'éducation obligatoire dans ce pays-là quand même, il est allé à l'école, il avait des très bonnes notes, il a eu une bourse pour aller étudier, mettons, en France, puis il est devenu ingénieur. Puis là, il est en France, puis bon, on le sait, en France, c'était pas. T'es engagé dans la ville où ce que t'es, puis c'est un nom un peu étrange, t'es pas sûr d'être appelé en entrevue, fait que bon, c'est des choses qui arrivent. Fait que lui, il est tout simplement retourné dans son pays, puis il s'est dit oui, mais là, moi, j'ai un degré en ingénierie, je me suis même un peu, malgré mes bourses, je me suis même un peu endetté pour étudier, j'ai pas envie de reprendre la ferme familiale de patates. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Ben là, il commence à magasiner, puis il se dit, bon, mais ben, je pourrais peut-être, garder en Amérique, au Québec, ils ont une entreprise, ils viennent de mettre, le gouvernement vient de donner 1 milliard à une compagnie d'avions, là. Je pourrais peut-être m'essayer d'aller travailler là. C'est intéressant, mais bon, présentement, ça n'engage pas en fou non plus dans l'aéronautique. Donc, c'est pas une priorité d'engager des ingénieurs en aéronautique. Donc, ce gars-là se retrouverait un peu loin sa pile, mais c'est quand même quelqu'un qui a de l'éducation. Il a appris le français parce qu'il a étudié en France. Donc, c'est un immigrant modèle de toutes parts, mais son CV est plus. Son CV, oui. Effectivement, son CV, mais sa demande, son application est plus loin dans le fil, juste parce que, cette année, les entreprises qui ont un peu plus lobbyé, ben c'est des entreprises en communication. Fait que ce qu'on veut, c'est des programmeurs. Ouais. Fait que ça, c'est un peu le. Mais là, on s'entend. C'est des grandes énoncés d'intention, ça devient effectif à partir de là. Fait que les nouvelles lois et ainsi de suite, les nouvelles pratiques vont venir, puis on verra. D'accord. Donc, en gros, on a déjà eu l'Église à qui on déléguait la santé et l'éducation. On a repris ça serait un peu stupide de redéléguer l'immigration patronat. Bien, effectivement, c'est... C'est ben oui, effectivement, la grosse entreprise privée, parce qu'on s'entend, c'est pas les PME là, qui ont cette force-là. Là. C'est les grosses industries, souvent, qui sont pas des industries nécessairement québécoises non plus, qui ont cette influence-là. Ah, ceux qui ont le moyen de se payer les meilleurs lobbyistes, dans le fond. Merci, honnêtement, pour ton analyse, parce qu'effectivement, j'ai vu passer ça dans les médias et j'ai pas vu, justement, d'analyse. J'ai eu beau lire, j'ai pas lu d'analyse pertinente comme ça. Donc, merci. Ben, comme je dis, juste pour conclure rapidement, ça me fait plaisir d'ailleurs, c'est mon sujet de maîtrise. Anyway, je suis énervé, pour une fois, ça sert à quelque chose. La philosophie, ça sert à de quoi dans la vie? C'est à ça que ça sert. C'est ça, évidemment, c'est sûr que moi, je suis peut-être allé chercher des poux un peu. Généralement, c'est du bon stock qu'il y a là-dedans, si les bottines suivent les babines, évidemment. Donc, on serait rendu, en fait, à prendre une pause. Fait que revenez-nous après, on va avoir d'autres choses. Vous êtes assez fous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de CIFOU 89.1 FM qui prend de délicates bouchées dans l'actualité parce que mordre, c'est pas poli. Donc, on serait rendu à l'éditorial de Lucas. Oui, ben c'est l'éditorial, en fait, que j'avais écrit il y a deux semaines, mais qu'on n'avait pas eu le temps de faire parce qu'on avait débordé un peu partout ailleurs. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'est un court éloge de ma génération, parce que je trouve que ma génération est un peu maltraitée un peu partout dans l'opinion publique, parce qu'on sait bien, les jeunes, hein, voilà. Donc, ben, en fait, pour commencer, j'ai vécu une frustration. Il y a eu, au mois de décembre dernier, le documentaire à Télé-Québec, « L'amour au temps du numérique », qui est sorti. Puis ça, ça l'a donné l'occasion à tout plein de généralisations. Ça l'a un peu conforté les baby-boomers dans leurs préjugés sur notre génération. Pour être sympathique, je dirais que l'amour au temps du numérique, c'est ce que ça donne quand on demande à des gens avec un deck en théâtre de faire un documentaire. Mais bon, ça serait un petit peu méchant, fait que je dirais pas ça. Bon, en fait, il y en a beaucoup qui ont chialé justement contre l'échantillonnage de ce documentaire-là, c'est-à-dire que ça interviewait quelques personnes, mais là-dessus, la majorité des gens avaient déjà eu une chlamydia, ce qui est déjà un drôle d'échantillonnage. Il faut se dire que ce qui va sortir de ces entrevues-là, ça ne sera pas nécessairement représentatif de ce qui se passe dans la génération. Parce que la chlamydia, c'est une des ITSS qui est comme des moins répandues, je pense. Ça, je t'avoue que c'est une question que je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est déjà drôle parce qu'il me semble que ça, c'était pas mal disparu, en fait. Ça a eu un regain, si je me trompe pas. Ouais. Mais bon, de toute façon, ça a donné des espèces de soupers de fêtes bizarres où est-ce que les baby-boomers qui avaient écouté ça étaient comme « Ouais, hein, vous autres, les jeunes, on sait bien, hein, vous avez toute la chlamydia, vous êtes tous sur Tinder. » Parlons de Tinder. Tinder, c'est une invention que je trouve merveilleuse, mais que c'est pas tout le monde. Tu t'appelles Friedrich Nietzsche aussi sur ton Tinder. Oui, d'ailleurs, Friedrich Nietzsche est très populaire sur Tinder. Mais bon, ça, c'est... C'est à cause de la moustache. C'est probablement à cause de la moustache. Allez googler Friedrich Nietzsche, ça vaut à peine. Oui, quand même. Bon, sinon, en dehors de ça, il y a aussi l'effet que... Il y en a beaucoup qui disent, tu sais, je suis content de ne pas être de cette génération-là parce que, ben, tu sais, je ne serais pas à l'aise sur Tinder et ces trucs-là, mais tu sais, Flash News, vous n'êtes pas obligé parce que vous êtes de notre génération de vous inscrire sur Tinder. La majorité des gens ne sont pas écrits sur Tinder. C'est drôle parce que si on fait le même genre d'échantillonnage comme qui a été fait dans le documentaire, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu parce que justement, juste ce que j'en ai entendu rapidement, juste quand ils essayaient de nous vendre le documentaire, c'était comme, c'est clair que j'écoute pas ça. Mais j'ai pas de temps à perdre avec un affaire de même. Mais juste si on fait un échantillonnage boboche, on est deux dans le studio présentement, on est deux Y. Hein? Oui. Puis les deux, on est en couple. Puis les deux, on n'a pas rencontré notre copine sur Tinder. Ai-je dit ça de même? Ouh! Ben voilà. Mais bon, je vais te faire un petit historique. Hein. C'est pas nouveau que les vieux bâchent sur les jeunes générations. Hein. En fait, c'est le philosophe qui parle ici. Platon chialait déjà contre les jeunes. Hein. Platon disait dans la République, les jeunes maintenant, il y a quelque chose qui s'est perdu, ils respectent plus leurs aînés, etc. Fait que on a deux conclusions qu'on peut tirer de ça. Soit que depuis Platon, les jeunes respectent de moins en moins leurs aînés, ou depuis Platon, les gens en vieillissant deviennent des vieux réactionnaires qui sont pas capables de comprendre c'était quoi être jeune. Ouais. D'ailleurs, Platon chialait aussi contre l'invention de l'écriture. Hein. Il disait, hein, avant l'écriture, on était bien, il fallait se souvenir des affaires. Là, à cette heure, à cause de l'écriture, hein, les gens ils se forcent plus à retenir les trucs. Ils savent qu'ils peuvent le retrouver n'importe quand sur leur papyrus. Ouais, remplacer papyrus par Internet. Puis, et voilà. Qui n'a pas déjà pensé ça, lancer la première pierre? Et voilà. Donc, merci Platon de nous donner un exemple des vieux réacts. En fait, d'il y a 2500 ans. Oui, en fait, ben ça, on tombe dans mon sujet de mémoire à moi. Les nouvelles technologies, ça a beau être quelque chose d'un peu typique à notre génération, ça change pas nécessairement toute la nature humaine, tout qu'est-ce qu'on est comme. On a l'impression que les médias essaient de nous faire croire, puis oh mon Dieu qu'on n'est pas pareil, puis que les jeunes sont pas... N'oublions pas qu'une charrette a déjà été une nouvelle technologie hein, dans la vie, fait que... l'humanité a continué d'exister genre 40 000 ans plus tard. Bon. Fait que c'était mon cours éditorial. Vive ma génération. On a des outils que les autres n'avaient pas, mais ça ne fait pas de nous des sous-humains. Ça ne fait pas de nous quelque chose de sociologiquement si différent que ça. Donc, j'aime ma génération. C'était mon éditorial. Ben merci. On est fiers d'être des Y. Ben voilà, fiers Y. Toi, tu voulais nous faire un top 3 et demi. Ouais. Tu sais, des fois, on aime ça y aller un peu plus léger. Hein? Top 3 et demi. Bon, ça, donc la semaine dernière, notre championne de la semaine, c'était la ministre Lise Thériault. Bon, on se rappelle d'un peu toute l'histoire là, que la ministre de la condition féminine qui s'est dit non féministe, qui finalement s'est comme renuancée. Puis là, ben là, il y en a plein qui ont embarqué dans mêlée, qui ont dit que « Ah non, moi non plus, je suis pas féministe, puis nanana. » Puis là, après ça, se mettent à décrire à peu près, tu sais, une des grandes branches du féminisme, mais que c'est, eux autres, c'est pas féministe, ça, c'est égalitaire. D'ailleurs, on salue Samuel Gérard qui a fait ça ce matin à son émission. Ah, Samuel! Pour ceux qui vont nous écouter en rediffusion, ça va être après. Samuel, s'il te plaît, laisse-nous ça, c'est une affaire de gars de gauche, franchement. En tout cas. Sans plus tarder, moi, j'ai décidé de faire un top 3 et demi des gens qui devraient changer de sujet, parenthèse, quand ils, c'est-à-dire ils et elles, le stickant ensemble là, pour bien féminiser nos affaires, parlent de féminisme. Donc, les gens qui devraient changer de sujet quand ils parlent de féminisme. Le numéro 3, Marie-France Bazot, la très connue intellectuelle de Radio-Canada et de à peu près tout ce qui est Télé-Québec, moi aussi, à peu près tout ce qui est radio et télé d'État, qui, hors tout, est quand même une personne bon, qui est importante qu'on l'aille au Québec, elle fait avancer beaucoup de choses, mais justement, quelqu'un de sa trempe devrait être un peu plus au courant de c'est quoi le féminisme, parce que c'est exactement ça, sa prise de position de « Ah, le féministe, c'est pas ça, tu sais, c'est... » moi, je suis pas féministe parce que je n'haïs pas les hommes. T'sais, c'est comme, non, regarde ça, c'est pas ça, le féministe. Arrête tout de suite. T'sais. Il y a pas de grande branche. Je suis contre la caricature que les gens antiféministes font du féminisme. Bravo. C'est ça. Puis d'ailleurs, on aimerait lui rappeler, d'ailleurs, que c'est pas parce que vous, Mme Bazot, vous avez réussi que tout le monde réussit. C'est pas rien que d'essayer. T'sais. C'est un peu une généralisation excessive, dans le fond, parce qu'elle a dit, ah, ben moi, j'ai réussi. Puis c'est vrai, Mme Bazot s'est rendue extrêmement loin. Elle a fait beaucoup de choses. Puis c'est quelqu'un qui a énormément de succès. Mais c'est pas parce qu'elle en a fait que tout le monde va avoir autant de succès en faisant les mêmes choses. Ça s'appelle la généralisation excessive, en passant. C'est un sophisme. Puis nous autres, on n'aime pas ça, les sophismes. Donc ça, c'était mon numéro 3. Le numéro « Zwei » en allemand, c'est... on passe de la culture aussi des fois. « Zwei », c'est deux en allemand. Éric Duhaime, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi il devrait changer de sujet quand il se met à parler de féminisme? Non, mais je le félicite quand même. Il a invité Judith Lucie à son émission pour donner la chance à quelqu'un qui connaît le sujet d'en parler. C'est toujours ça. Mais justement, il a invité quelqu'un pour en parler à sa place. D'ailleurs, Judith Lucie, il aurait très bien pu beaucoup plus mal tomber. Il a rendu très, très... C'est passé d'une des féministes qui me tombait bien raide scénaire à une de mes préférées. Sérieusement, ça vaut la peine de lire ses chroniques dans le journal Métro. Judith Lucie, c'est numéro 1. Elle écrit très bien, très bonne vulgarisatrice. Elle a cessé le ton Facebook. Polémique. D'ailleurs, elle a eu un ton polémique pendant un certain temps, puis à cette heure, elle s'est beaucoup calmée là-dessus, puis elle est plutôt celle qui modère les choses. Puis d'ailleurs, bon, pour revenir à Éric Duhaime, qui est notre numéro 2, parce que honnêtement, Judith Lucie, quand elle parle de féministe, elle, on veut qu'elle continue. Mais c'est ça, bon, même Éric Duhaime a même écrit lui-même sur sa page Facebook qu'il était tanné d'en entendre parler, fait que lâchez-le avec ça, hein, ça gosse. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que regarde, Éric, on te fait un cadeau, tu peux arrêter de parler de féministe. Et le numéro uno, c'est le monde qui pense que le 8 mars, c'est la fête des mères, mais aussi pour les filles pas d'enfants. Non, ce n'est pas la femme des personnes possédant un utérus le 8 mars. Je sais qu'il y en a qui en profitent pour acheter des fleurs à leur femme. C'est pas une deuxième Saint-Valentin. Non, c'est pas une deuxième Saint-Valentin. Ça vise à sensibiliser les gens aux défis auxquels font face les femmes, mais que les hommes n'auront pas nécessairement à surmonter. C'est à ça que ça sert, OK? C'est pas une journée de party, c'est une journée de sensibilisation. Et les magasins qui offre des merveilleux rabais. Journée de la femme, achetez une brassière et recevez à 50% de rabais une petite culotte. Non, juste non. Arrêtez ça. Fait que, puis tel que promis, ben c'est un 3,5. Fait que le 1,5, c'est quiconque a encore envie de sortir en public pour se dire non féministe ou se dire égalitariste ou se dire n'importe quoi d'autre. Sérieusement, arrêtez. Merci, bonsoir. Merci. Donc, on serait rendu à partir de maintenant sur cette petite montée de lait, parce que j'avoue que je me suis un petit peu emporté là-dedans. Moi, ça me tient un peu à cœur, que voulez-vous. Je suis probablement pas pour l'égalité salaire, selon certaines personnes. Mais on serait rendu, en fait, à savoir qu'est-ce qui se passe chez nos voisins du Sud, chez qui l'herbe est souvent plus jaune qu'ici. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, Lucas? Il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, j'aimerais donner une citation de la semaine à Bernie Sanders. Bernie Sanders, qui est allé à la télévision dans une entrevue, dire « Quand on écoute les débats républicains, on comprend pourquoi c'est important d'investir dans la santé mentale. » Oh, ce que c'est drôle! Ouais, mais c'est un méchant sophisme, mais c'est drôle. D'ailleurs, il y a un vlogueur, dans le fond, quelqu'un qui est actif sur YouTube, qui est aussi écrivain, qui s'appelle, je pense que c'est John Green, une affaire comme ça. Ce sont deux frères, dans le fond, puis il y en a un des deux qui est écrivain. Puis celui qui est écrivain des deux, il y a une belle citation de lui qui circulait sur les réseaux sociaux pendant un certain temps, puis il disait en gros, voici pourquoi... malgré le fait que j'ai pas d'enfants, je veux qu'on investisse massivement dans l'éducation, c'est que je veux pas vivre dans un pays entouré d'imbéciles. Ben voilà. C'est bien dit, effectivement. Bon, Bernie Sanders, ça s'enligne un petit peu mal pour lui à cause principalement des superdelegates qu'on a déjà expliqué ici à l'émission. Ça s'enligne, là, il y a eu une surprise, une victoire surprise dans le Michigan. Ça leur monte un peu. Mais en fait, Hillary Clinton, pour l'instant, a à peu près le double de chances de lui d'avoir l'investiture. Ça, par contre, d'ailleurs, Radio-Canada disait ça. Puis moi, j'ai lu d'autres analyses de cette situation-là, en fait, qui disaient que ce chiffre-là, qui a circulé beaucoup, c'est le chiffre qui inclut les fameux super-delegates, justement. Oui. Ce qui fait que Hillary Clinton allait avoir le double de Bernie Sanders, mais en fait, sont à juste une vingtaine de vrais délégués, là, les délégués pas démocratiques. Une centaine. Une centaine. Même. Mais ce qui est sur 2000 à avoir, c'est quand même pas énorme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les super-delegates peuvent changer d'idée n'importe quand. Ils peuvent, le problème, puis là, l'argument des gens qui disent ce que tu dis, c'est de dire, ben les super-delegates l'ont fait en 2008, ils sont divisés à peu près comme selon ce que la population avait voté pour permettre à Obama d'avoir le poste. Le fait est que quand on était en 2008, Obama était quelqu'un de l'establishment et Clinton était quelqu'un de l'establishment. Donc, il pouvait facilement, sans se faire taper sur les doigts, voter pour un ou l'autre. Alors, ce qui arrive présentement, c'est que Hillary Clinton est une démocrate de longue haleine, alors que Bernie Sanders est un indépendant. C'est vraiment un outsider, là. Il vient vraiment de l'extérieur et l'establishment n'apprécie pas. Ce qui fait qu'un super delegate, qui habituellement, c'est quelqu'un du parti, qui voterait pour Bernie Sanders. Un chef d'association locale ou un truc du genre, là. Un ancien élu. Qui irait voter pour Bernie Sanders risquerait de se faire taper sur les doigts. Donc, c'est pas si sûr. Donc, c'est pas pour rien que la plupart des médias calculent que la plupart des super delegates vont voter pour Clinton. Ouais, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Ça reste que. Moi, je disais ça surtout parce qu'il faut faire attention quand même avec le en disant que. Tu sais, parce que si on regarde les suffrages, par exemple, une des choses d'ailleurs. Il y avait une question de la répartition des États aussi, qui en fait, ça serait peut-être plus avantageux parce que Bernie Sanders, si je me rappelle bien, il pogne beaucoup dans les États qui sont plus démocrates. Ça se peut-tu? Il y avait un truc comme ça. Je ne sais pas. Non, en tout cas, c'est pas grave. On y reviendra la semaine prochaine de toute façon et ça sera pas fini. De toute façon, pour les gens qui aiment bien Bernie Sanders, j'aimerais juste vous dire, si vous aimez Bernie Sanders, mais que, bon, on s'entend que dans 4 ans ou dans 8 ans, il se représentera pas, là, il est vieux. S'il gagne pas, je vous conseille de suivre sur Facebook une autre sénatrice, elle, qui s'appelle Elizabeth Warren, qui est à peu près Bernie Sanders version féminin, est beaucoup plus jeune. Les deux avaient dit qu'ils se lanceraient peut-être dans les primaires, puis la plupart des gens croient que c'est derrière les portes closes, que les deux sont jasés, puis qu'Elizabeth Warren aurait dit à Bernie Sanders « C'est ton tour, puis le prochain coup, ça sera le mien, parce qu'elle est beaucoup moins vieille que lui. » Mais c'est une femme, c'est une amie de Bernie Sanders qui est aussi une sénatrice, puis qui a à peu près les mêmes positions sur tous les sujets. Elle ne se dit pas ouvertement socialiste, mais je veux dire, elle a les mêmes positions que Bernie Sanders. Donc, éventuellement, pour les gens pour qui Bernie Sanders, c'est mort, puis ses chances d'être élu président, je vous conseille de suivre Elizabeth Warren. Elle va être très intéressante à suivre dans les prochaines années. On va d'ailleurs mettre un lien vers sa page sur notre page Facebook après l'émission. Absolument, absolument. Bon, sinon, il y a eu Fox News qui ont fait un beau sophisme aussi cette semaine. Ils ont dit que, dans le fond, Obama et Ben Laden, probablement que c'est des amis. La preuve, c'est que les deux croient au changement climatique. Ah. Ouais. Sérieusement. Ouais. Ben Laden, c'est quand qui a parlé du changement climatique? En fait, c'est dans ses discours, une des raisons pour laquelle il doit on doit s'opposer aux Occidentaux, puis au capitalisme, puis au mode de vie américain, c'est les changements climatiques, parce qu'on fout le bordel. Ben, remarque. Le point à Ben Laden. OK. Je croyais pas dire ça, mais ouais. Dans ma vie, un jour, c'est le seul j'y accorde. Hein. Je tiens à me backer, là. J'y en donne pas d'autres points. C'était peut-être pas un... Tu sais, on a bien beau le critiquer d'un point de vue moral et ainsi de suite, mais ça reste que question côté... on peut pas dire que c'était un cave, Ben Laden. Bon, on va en suivant. Ouais, ouais. Bon, il y a Trump qui... Bon, il a reçu les appuis d'un des chefs du Ku Klux Klan aux États-Unis la semaine passée. Et que, bon, il s'est fait demander en entrevue, est-ce que vous acceptez d'être endossé par le Ku Klux Klan? Et sa réponse a été, ben, avant de dire si j'accepte ou pas, tu sais, moi, je le connais pas, le Ku Klux Klan, je sais pas trop c'est quoi, je dois prendre le temps de m'informer. Bon. OK, il sait pas c'est quoi? C'est ce qu'il a dit. Bon, ce qui est très drôle venant de quelqu'un que, sans preuve rien, il a traité tous les Mexicains de violeurs, il a traité tous les musulmans d'autres choses, tous les... Fait qu'habituellement, lui... Pas de problème, tout le monde, on peut... mais le Ku Klux Klan, ça, par contre, on doit prendre le temps de s'informer avant de les insulter. Ouais. Bon, quelques jours plus tard, il a dit « Je me suis informé sur c'est quoi le Ku Klux Klan, puis finalement, j'accepte pas. » Bon, au moins. Je donne le point à posteriori. Mais, ouais. La raison, c'est qu'en fait, il allait vérifier combien de votes ça y ferait gagner ou perdre si... peut-être. Ouais. Bon, sinon, il y a eu le Super Tuesday, qui est le jour où il y a le plus d'États en même temps qui votent pour les primaires. Il y a eu ça la semaine passée, voilà 2 semaines, en fait. Et suite à la victoire de Donald Trump dans beaucoup d'États pour les primaires républicaines, ben un des mots les plus un des termes les plus recherchés sur Google a été « How to move to Canada ». Ouais. Parce que les gens ont peur de Trump. Effectivement. Apparemment, même que Google, eux autres mêmes, ont suivi les statistiques de ça en temps réel, puis tu voyais vraiment, ça suivait vraiment là, l'entrée des votes pour Trump. Là. C'était vraiment proportionnel à ça. Là. Mais le plus drôle là-dessus, c'est que le lendemain, le site d'Immigration Canada a planté à cause qu'il y avait trop de trafic sur le site Internet. Non, on sait que nos sites gouvernementaux font dur un peu au Canada là, et au Québec, mais... Mais quand même. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire quelque chose, d'après moi. Bon, ensuite, y a Donald Trump dans un débat républicain qui a défendu la taille de son pénis. J'ai rien à dire là-dessus. On est juste rendu là. What the fuck? Ouais. Il y a aussi, la semaine passée, ou en début de cette semaine, Nancy Reagan, la femme de Ronald Reagan, qui est morte. Bon, il y a beaucoup de républicains qui ont chialé parce que Obama n'ira pas à l'enterrement. Il va envoyer sa femme, il va envoyer Michelle Obama à l'enterrement. Il y en a beaucoup de républicains qui ont chialé contre ça. Par contre, j'ai commencé à suivre le site PolitiFact qui regarde un peu la validité de ce qu'il dit. C'est très intéressant à suivre, PolitiFact. Puis ils ont dit qu'en fait, c'est presque jamais arrivé dans l'histoire qu'un président assiste à l'enterrement d'une ancienne First Lady. Il y a cette anecdote-là. Ensuite, ils ont ressorti aussi une citation de Donald Trump qui disait à propos de Nancy Reagan que cette femme n'avait jamais été jolie. Bon, ça élève encore le débat. Ben oui, c'est pas tout le monde qui achète ses épouses d'un pays de l'Est. Il y a aussi eu un autre appui à Donald Trump qui est un imam, un des imams les plus influents, en fait, aux États-Unis. Et étrangement, okay. Qui a donné son appui à Donald Trump. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Effectivement. Et la réponse est, ben parce qu'il appuie les propos antisémites de Donald Trump. Mais quel... Il appuie un raciste parce qu'il est aussi raciste envers l'ennemi. Ouais. C'est vrai de t'es l'ennemi de mes ennemis, fait que t'es mon ami. C'est un peu ça le... Ouais. Parce qu'on sait que Donald Trump aime beaucoup les musulmans. Mais bref, d'ailleurs... Personnellement, être musulman, je me serais fait un gros facepalm en voyant ça, d'ailleurs. Là. Effectivement. Mais à quoi il a pensé, sérieusement? Du coup. Ouais. Mais pour finir, j'aimerais vous expliquer, en fait, pourquoi... C'est quoi qui se trame un peu dans les coulisses du Parti républicain? Il y a eu un très bon article, justement, là-dessus dans la presse qui expliquait assez bien la façon dont ça fonctionne. Alors, on avait expliqué un peu comment ça fonctionnait au Parti démocrate avec les délégates et les super-délégates. Au Parti républicain, de la manière dont ça fonctionne... Bon, pour les deux partis, ce que ça prend pour être élu à la tête du parti, c'est la majorité absolue, 50+1. Ce qui arrive, c'est que les républicains, de la façon que ça fonctionne... C'est que, bon, les gens votent dans les États, ils envoient un nombre de délégués X qui vont être obligés de voter selon qu'est-ce que leur État a voté. Bon, eux autres, je crois que c'est 1200, quelque chose comme ça. Oui, ils ont presque la moitié des démocrates. Là. C'est une affaire comme ça, le 1200. Il me semble qu'il y a un 7 en quelque part aussi là-dedans, mais je ne suis pas certain. Ce qui arrive, c'est que quand il y a plus que deux personnes qui se présentent aux primaires, il faut quand même que la personne qui soit élue ait plus que 50% plus 1 pour être élue. Donc, même si Donald Trump a le plus de délégués, si Donald Trump n'a pas plus que la moitié des délégués, il n'est pas élu à la tête du Parti républicain. Ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que, bon, il y a le vote au premier tour. Il y a une grosse convention. Habituellement, c'est un gros fin de semaine. Puis, dans le fond, les délégués font le vote. Puis, habituellement, on n'est pas trop surpris parce que, bon, on a suivi les primaires. Puis, le monde savent d'avance c'est quoi que le monde va voter. Mais ce qui arrive, c'est quand il n'y a personne qui a la majorité absolue, c'est qu'il y a un deuxième tour. Et au deuxième tour, là, les délégués ne sont plus obligés de voter en fonction de ce que les gens ont voté dans leur État, dans l'État qui les envoie. Ils ont le droit de voter pour absolument qui ils veulent. Donc là, on pourrait avoir un gros retournement, si je comprends bien. Ben en fait, ce qui arrive, c'est que bon, les délégués, et chez les démocrates comme chez les républicains, c'est des gens de l'establishment. Donc, nécessairement, ce qui handicape Bernie Sanders va handicaper aussi Donald Trump à ce niveau-là. Donc, même si Donald Trump est celui qui a le plus de votes de la population, ben c'est comme quand même une élection pour à la tête du parti. Donc, c'est pas nécessairement démocratique. On a pu le voir ici, d'ailleurs, avec le retour de Gilles Duceppe au bloc. C'est pas obligé d'être super démocratique la façon qu'un parti... Un parti fait ce qu'il veut pour ce qui se passe à l'interne. Donc, au deuxième tour, probablement qu'il y aurait... C'est un peu comme le Vatican, c'est derrière les portes closes, puis là, oups, premier tour n'a pas marché, puis là, les délégués se promènent, puis bon, toi, tu penses voter pour qui? Comment est-ce que... Une chose qui arrive aussi, c'est que normalement, nécessairement, il y aurait des candidats X qui divisent le vote, on va le dire, qui eux autres éventuellement, parce que faire campagne, même juste pour les primaires présidentielles comme ça, ça coûte très cher aux États-Unis, on s'entend. Là. Oui. Puis eux autres, ils n'ont pas ça, un cap de dépenses. Là. Non. Fait que ça coûte très cher. Fait que quand tu te rends compte que tu n'as aucune chance de gagner, ben, mané, tu lâches. T'sais. Puis là, tu envoies tes délégués à un autre, quoi que ce soit. Puis c'est ça qui fait que des deuxièmes tours, ça n'arrive pas très souvent, à ce que je sache. Non, effectivement, c'est assez rare dans les. Puis habituellement, quand il est obligé d'avoir plus qu'un tour, quand les candidats sont obligés de se battre juste pour avoir la tête du parti, après ça, le parti divise. Puis habituellement, le candidat perd à l'élection parce qu'il n'a pas eu le temps de faire campagne au national contre les démocrates. Il a été trop obligé de se battre à l'intérieur même de son parti pour que les gens se rallient à lui. Puis là, on s'entend surtout dans la politique américaine qui est ô combien vicieuse et axée sur l'attaque personnelle et sur la publicité négative et ainsi de suite. Ben, veux pas, quand tu as passé un paquet de temps à dire, tu sais, chacun de leurs bords ont fait de la publicité négative envers les autres, les ont critiqués, les ont planté sur, tu l'as dit, il a fallu un mané qui parle de la grandeur de son pénis. Là, on s'entend, là, quand on est rendu là, on est dans le personnel en tabarouette. Là, après ça, un de ces candidats-là qui s'est fait dire un paquet de choses négatives sur lui en public, ben là, il faut qu'il représente le parti. Ben là, les gens, ils ont encore ça dans la tête, tu sais. Fait que c'est en fait complètement imbécile comme manière de fonctionner, là, tant qu'à moi, là. Mais ce qui arrive, qui est intéressant par contre, c'est que l'establishment n'aime pas non plus nécessairement le candidat numéro 2. Donc, logiquement, si les délégués ne veulent pas élire Donald Trump, la chose logique à faire, ça serait de se rallier derrière Ted Cruz. Mais Ted Cruz, c'est comme un radical qui vient du... C'est comme pas le chef, mais c'est comme le porte-parole du Tea Party dans le Parti républicain. Puis le Parti républicain, même si c'est des conservateurs de droite, habituellement, aime bien envoyer un modéré à l'élection, pour la simple et unique raison que le modéré a plus de chances de gagner, parce que... Bon, c'est ça, c'est un gros parti de pouvoir à la base, l'establishment du Parti républicain. C'est sûr qu'ils vont y aller avec le plus tiède qu'ils peuvent, parce qu'ils veulent rassembler, ils veulent ramasser le plus de gens possible. Puis Ted Cruz, d'ailleurs, c'est ça, étonnamment, là, il y a un texte dans la section opinion de la presse ce matin, là. Le nom de l'auteur m'échappe, là, c'est la madame avec les cheveux blonds, là, que d'habitude, on n'est jamais d'accord avec Pascal elle. Pascal Breton. Non, pas elle, la plus vieille. Je m'excuse, je sais pas. Ça fait plus longtemps qu'elle est là. Pas Gagnon? Lisanne Gagnon? Oui, c'est ça. Lisanne Gagnon. C'est ça. Qui a écrit un texte qui, là-dessus, est très bon, en fait, qui parle justement de la crainte qu'ils ont, la situation dans laquelle l'establishment présentement y est, parce qu'ils ont peur de Trump. Trump, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que Trump, à la base, à part sur ses grandes déclarations là, sur les Mexicains puis tout, sur la plupart des autres affaires, il est très modéré et très libéral, en fait. T'sais, lui, le droit à l'avortement, il croit à ça. Le mariage pour tous, il croit à ça. Mais d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de conservateurs, parce qu'il existe un courant intellectuel conservateur aux États-Unis qui disent que leur principale attaque qu'on a Donald Trump, c'est de dire que ce n'est pas un vrai conservateur. Il n'est pas cohérent avec l'idéologie conservatrice. En fait, Donald Trump, il ressemble beaucoup plus, il va peut-être ressembler beaucoup plus à de la droite qu'on a au Québec, c'est-à-dire de la droite libérale, dans le fond. Ouais. Beaucoup plus qu'un t'sais, il est peut-être pas hyper progressiste non plus, mais il est pas très réactionnaire non plus. J'ai lu une analyse intéressante aussi que, par rapport à Trump, qui disait que en fait, ça va peut-être mettre dans leur face aux républicains le fait que ils prônent comme une pureté idéologique et que, bon, ben en fait, Donald Trump, c'est une créature de cette pureté idéologique-là. Il se rend compte qu'ils n'ont plus le contrôle là-dessus et que même quand quelque chose sort des lignes du parti, ben ça pogne quand même. Fait que les gens, les conservateurs s'imaginaient que les gens étaient comme fidèles, si on veut, à l'idéologie conservatrice et que finalement, non. Non, c'est du juste tout. Comme certaines franges de la population est plus happée par les discours populistes et ne sont pas fidèles aux discours conservateurs. C'est ça. Mais l'endroit où je voulais en venir principalement avec les seconds tours aux conventions, c'est que, bon, depuis deux semaines, il y a quelqu'un qui a fait un retour dans le paysage médiatique américain et c'est Mitt Romney. Mitt Romney qui se battait contre Obama en 2012, qui avait aussi brigué l'investiture en 2008, mais qui avait perdu face à John McCain. Et là, étrangement, Mitt Romney fait un retour dans les médias, puis il parle contre Donald Trump, il parle aussi un peu, mais de façon plus nuancée, contre Ted Cruz. Là, t'es comme, mais merde, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, c'est que pour le deuxième tour, n'importe qui a le droit de se présenter au deuxième tour. Fait que quelqu'un peut ne pas avoir fait les primaires, ne pas s'être présenté, ne pas avoir fait de campagne électorale, puis dire, ben regardez, au deuxième tour, vous pouvez voter pour moi si les autres tours vous conviennent, si les autres candidats vous conviennent pas. Fait que là, on se dit que l'establishment, on sait qu'ils veulent pas de Trump. On se doute que Ted Cruz, ils ont de la misère. Ils ont de la misère. Puis là, on aurait un Mitt Romney qui est quand même, qui a quand même une certaine crédibilité, qui a déjà fait une campagne à la présidence. Qui s'en est pas mal tiré non plus. Oui, puis c'est quand même un modéré, plus modéré que tous les autres candidats, qui va comme... Ce que prévoient beaucoup de politologues, c'est que il va laisser le premier tour. Le premier tour, ça va pas fonctionner. Là, le monde va commencer à se dire, merde, qu'est-ce qu'on fait? Puis qui va se présenter comme un sauveur, comme un pick-upé. Puis comme faire, ben regardez... Si vous votez tout pour moi, j'accepterai de prendre encore la tête du parti et de me présenter contre qui ce sera. Donc, contre probablement il y en a beaucoup qui prévoient un retour de Mitt Romney, ce qui est quand même, je ne l'aimais pas en 2012, soudainement je l'aime un petit peu plus, parce que c'est quand même un modéré, c'est quand même un conservateur, un homme de droite, mais merde, c'est tellement plus un modéré que tout ce qu'on a vu dans les deux dernières années de débat. On pourrait parler longtemps de ce que Ted Cruz a fait comme sénateur, mais on le fera pas parce que c'est déjà l'heure de clore l'émission. On le sait qu'ici à l'émission, on le sait qu'une semaine c'est long et qu'une heure c'est si peu. C'est pourquoi nous serons en rediffusion samedi 9h ainsi qu'en balado quand j'aurai le temps de m'en occuper, genre demain. Guettez notre page Facebook et likez-la aussi d'ailleurs, ça peut être pratique. Merci Lucas, on lit ton éditorial aux deux semaines dans le Zone Campus en page 5. En ce qui me concerne, je passe à Assemblage requis le 8h à 8h le mercredi. Le 8h à mercredi, oui. Mais surtout, merci à vous, cher public, et revenez-nous la semaine prochaine, jeudi 13h, pour une toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, qui a le point levé pour mieux aimer d'amour. Excusez-la.